Lorsqu'on parle de la maison 7, on parle principalement des relations. Des relations et des contrats. Certains astrologues diront le couple également. Effectivement, dans la mesure où le couple est perçu comme un contrat, à la mesure des attentes que les gens ont un par rapport à l'autre, dans la mesure où, dans un contrat, les deux y tirent ou ils trouvent leur intérêt et leurs avantages, oui, effectivement, on peut inclure dans la relation le concept du couple et conséquemment du contrat. La maison 7, c'est la maison qui s'oppose à la personnalité, c'est-à-dire la maison 1. C'est la maison qui oblige l'individu à régulariser, à donner, en d'autres termes, des règles à ses rapports humains. Règles pourquoi? Parce que les gens sont différents, les gens ont des attentes différentes, ont une capacité très nuancée, très différenciée de répondre aux besoins, et les gens ont une dynamique qui peut changer et qui conséquemment ne peut pas toujours être au même rythme que l'autre. Donc, oblige éventuellement à renégocier les attentes, à renégocier les intérêts, les avantages que l'on peut s'accorder mutuellement. Si on sort de l'impression du bon ou du mauvais, on est capable de comprendre que dans une relation, dans une aptitude à traiter avec les besoins d'un autre, il y a des temps où on est capable de répondre et des temps où des phases de notre vie, on n'est pas capable de répondre. Et que le pas capable ne veut pas dire une impuissance, mais veut simplement dire que la personne avec qui on est en relation, ou les personnes dans certains cas, parce que des relations peuvent en avoir avec des groupes de personnes. Donc, avec un environnement donné, on a à laisser la place à un individu ou à une personne ou à un groupe de personnes qui est capable de suppléer notre présence, qui est capable de donner à l'autre ce que l'on n'est pas en mesure parce qu'on n'a pas eu l'éducation, on n'a pas les ressources, on n'a pas la formation, on n'a pas la destinée, ni plus ni moins, pour être capable d'engager une solution, une réponse aux besoins de l'autre. Ça ne questionne pas la relation, à moins que vous me mettiez beaucoup d'emphase à vouloir être le meilleur, la meilleure, dans toutes les trames de destinée de l'autre, de l'individu, avec qui vous avez un rapport, avec lequel vous avez une relation, avec lequel vous avez donc des attentes pour vivre un contrat. Il faut donc comprendre que l'évolution des besoins d'une personne, c'est une évolution qui, dans un temps, se vit très intensément en relation avec certaines personnes. Mais qu'un individu qui a beaucoup d'esprit est sujet à, je dirais, se questionner sur différents aspects de son être, qui peut exiger beaucoup d'interaction avec de multiples personnes. C'est pour ça qu'on parle de la maison 7 comme une maison de relations et non pas une maison de couple. Parce que si on veut pousser le couple dans différents éléments qui excèdent la sexualité, pas de problème. Mais c'est préférable de dire relation parce que il y a des échanges très intenses qui ont autant d'impact ou de puissance que la sexualité, qui peuvent faire également autant de territoire que la sexualité et l'intimité, mais qui pourtant, les gens ne se touchent pas. Les gens ont beaucoup d'influence un par rapport à l'autre, à cause des impressions qu'ils ont à intégrer, à muter un par rapport à l'autre. Et ce sont des êtres qui, conséquemment, ont besoin de sentir que l'appartenance qu'ils ont l'un par rapport à l'autre est une appartenance qui se vit sans exigence. C'est une appartenance libre, en d'autres termes. Une appartenance qui est fondée sur l'alliance. Parce que là où la relation s'arrête, s'il y a continuité de l'échange entre deux individus ou un groupe d'individus, on peut parler qu'il y a alliance. L'alliance est à l'esprit ce que la relation est à l'âme. Une relation d'âme, c'est une relation de karma. C'est une relation d'obligation karmique. La relation d'alliance, ou l'alliance, si vous aimez mieux, c'est une atmosphère libre de destinée ou de karma. C'est un mouvement qui est intelligent en soi, qui se définit une appartenance pour l'espace mental dans lequel les gens déambulent, se créent une obligation temporaire, et ils se reconnaissent des compatibilités qui sont non négociables. C'est comme, on ne peut pas briser une alliance. On peut briser une relation, mais on ne peut pas briser une alliance. Une alliance, c'est plus profond qu'une relation. Ce n'est pas lié à la peur de perdre. Il n'y a pas de peur de perdre dans l'alliance. Dans la relation, on dirait que la relation repose sur la peur de perdre. On veut être avec l'autre parce qu'on a peur de perdre. Parce qu'on a l'impression que si l'autre n'est pas là, il nous manque quelque chose. Tandis que dans une alliance, ce n'est pas le cas. Donc, dans une maison 7, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut évaluer nos peurs de perdre dans nos échanges. On peut regarder le comment on est complété par l'autre et que l'autre nous apporte les éléments qu'on n'est pas capable de se donner. Alors que lorsque vous irez au stage de l'alliance, vous pourrez voir dans votre rapport avec l'autre qu'il n'y a pas d'exigence de l'autre que vous soyez là et que vous n'avez pas également d'exigence que l'autre soit là. Il n'y a pas cette sensation de manquer de l'autre. Il n'y a pas cette sensation que sans l'autre, on ne peut rien. Et c'est là qu'on sent qu'il y a de l'alliance. Sinon, il y a de la relation, il y a de l'âme, il y a cette exigence qu'on a à toujours transmettre à l'autre. Il y a, dans un sens, de la menace. Il y a un jeu subtil de culpabilité et d'attaquer l'autre dans une condition où il devient responsable de notre état, de notre condition financière, de notre condition sociale. Et ce jeu d'accusation, c'est ce qui met un terme à la relation. Parce qu'éventuellement, une personne n'est plus capable de supporter la manipulation émotionnelle, mentale, la manipulation financière dans laquelle elle est plongée et elle est obligée de couper la relation. Là, vous allez me dire, dans la maison 7, comment on sait qu'on a coupé la relation? Ben, c'est pas compliqué, c'est quand vous avez plus peur. Quand vous n'avez plus peur, il y a quelque chose qui s'arrête en vous, qui s'arrête de penser d'une certaine façon, qui s'arrête de penser que l'autre est une menace. Et quand l'autre n'est plus une menace, ne représente plus un sujet de crainte, à quelque niveau que ce soit, une crainte positive ou négative, ben, on est libre, on est prêt à l'alliance, on est prêt à passer à un autre niveau. Que si l'autre, lui, n'est pas prêt, ben, on quitte physiquement. Quand est-ce que les enfants partent de la maison? C'est quand ils sont sûrs qu'ils n'ont plus besoin de la maison pour opérer, pour fonctionner. Quand ils sentent qu'ils ont la sécurité dans leur identité qui leur permettent de se détacher de la maison des parents. Ça ne veut pas dire qu'ils vont renier leurs parents. Ça dépend toujours de la relation que les parents ont eue avec eux. Mais si la relation est harmonieuse, ils vont quand même quitter la maison et garder une alliance avec leurs parents. S'ils ont eu des relations houleuses, de culpabilité, d'attaque et d'agression, ben ils vont couper de la famille en ne voulant plus revenir dans l'échange. Et là, on va parler d'une rupture violente, une rupture qui est difficile à intégrer au cours du temps, au cours des âges. Et c'est là qu'il faut comprendre que le phénomène de la relation s'étend à tous nos échanges dans nos rapports humains. Et que le divorce, c'est pas simplement avec les gens avec qui on vit une sexualité. Le divorce, ça peut être avec un patron, ça peut être avec un travail, ça peut être avec un groupe de gens avec qui on travaille ou avec lequel on a une expérience importante à vivre. Mais un divorce, c'est simplement une fin d'une expérience d'âme qui propose une expérience d'esprit, une alliance en contrepartie, dans la mesure où les gens ne cherchent pas à s'appartenir ou à se donner un lien d'obligation un par rapport à l'autre. On parle donc de relation parce qu'il y a obligation, une obligation qui n'est pas sentie au début puisque les deux répondent à leurs attentes mutuelles, mais ça reste des obligations parce qu'un jour ou l'autre, il y aura déphasage dans les attentes, il y en aura un qui sera obligé de renégocier le contrat pour continuer son développement. Et généralement, la vie propose un autre qui, lui, ne se sent pas l'obligation d'évoluer aussi rapidement ou ne se sent pas tout simplement dans un intérêt quelconque d'avoir l'impression d'évoluer parce qu'il va se sentir suffisamment évolué et va opposer à l'autre une fin de non-recevoir, un rejet, ni plus ni moins, face à ce qu'il demande dans son développement. Il va, d'autres termes, obliger l'autre à se questionner sur son besoin pour conserver l'entente comme elle est. Et c'est là que la relation semble vivre des situations aiguës. Vous allez voir tout ça dans la maison 7, dans le comment ça se procède et aussi dans le rythme dans lequel ça passe. Les transits qui passent dans la maison 7 expliquent très bien cette situation. Thank you. On parle de la maison 8, on parle inévitablement de la maison qui se raccorde au signe du scorpion, donc à tout ce qui touche les drames de la vie, à tout ce qui touche les pertes avec les conséquences qui mènent à des héritages, des successions, à des lois de choc en taux, donc à des lois de cause à effet. Et souvent, à travers la maison 8, on voit des gens développer des pouvoirs psychiques. J'entends, quand je parle de pouvoir psychique, une sensibilité à des plans supérieurs, à des plans parallèles, à des plans qui sont au-delà de la forme et qui donnent inévitablement à l'individu une perception qu'on qualifierait facilement d'extrasensorielle. Pourquoi? Pourquoi? Parce que dans la vie, pour être suprasensible, il faut vivre des chocs importants et qui ont l'aptitude de briser notre conformité, tout ce qui touche notre vision de la vie régulière, notre vision de la vie qui est structurée socialement et qui a tendance à se donner une routine trop facilement à travers la forme. Les gens qui sont marqués par une charge planétaire importante dans la maison 8, ce sont des gens qui sont inévitablement troublés par des brisures de forme, par des brisures de rythme dans leur quotidien, qui les obligent à regarder la vie d'une façon très présente, très attentive, parce que il se passe rien pour eux comme tout le monde. Ça ne veut pas dire que c'est des originaux, ça veut dire que leur vie est originale. Originale pas parce qu'ils le veulent, ils voudraient bien être conformistes, ils voudraient bien avoir une vie relativement régulière, une vie où la forme convient bien à ce qu'ils cherchent ou à ce qu'ils veulent. Mais souvent, ces gens-là qui sont exposés à des mutations profondes dans l'organisation de leur sensibilité, dans l'organisation de leur structure de vie, de l'organisation de leur structure psychologique même, sont fortement bombardés par des événements qui sont, on va qualifier ça d'accidentels, malgré qu'en astrologie, c'est le destin, donc il n'y a pas d'accident, tout est marqué d'avance. Mais pour l'ego, c'est un accident, c'est un imprévu. Et cette situation, évidemment, a pour fonction de leur faire vivre des drames, des angoisses profondes, pour leur faire découvrir les mécanismes de la polarité, les mécanismes du bien et du mal. Moi, je dis souvent, il y a une intelligence dans le mal, autant qu'il y a une intelligence dans le bien. Bon, si on est moral, évidemment, vous allez dire que c'est ça, l'intelligence du mal. C'est que le mal est organisé au même titre que le bien. Le mal a une fonction de donner des racines à un individu par le combat. Le bien a comme fonction de faire émaner, de faire surgir l'harmonie qui vient souvent après la tempête, après l'expérience du mal. C'est pas évident, évidemment, de subir une guerre pour dire que ça va aller mieux après, mais on sait que les sociétés ont évolué dans des climats de conflit, dans des climats de guerre, et que souvent après les guerres, les gens ont eu une période de développement extrêmement rapide et extrêmement intense. Vous allez me dire, oui, mais pourquoi c'est comme ça? Malheureusement, je ne dispose pas du temps pour expliquer tout ça, mais considérez que c'est comme ça, point. Et que inévitablement, le phénomène du drame, le phénomène de la souffrance a pour fonction de ramener les gens à une compréhension, à une appréciation de l'harmonie, à une appréciation d'un équilibre qui souvent est négligé s'il y a trop de bien. En ce sens que si les gens vivent dans un climat trop harmonieux, ils deviennent négligents. Pourquoi négligents? C'est parce qu'ils manquent de densité. Et c'est le mal qui apporte la densité en question. C'est la perte. ce qu'on perd quand on a à le reconquérir, la période de reconquête est souvent plus difficile que la période où on l'a eu facile. Et cette zone de reconquête nous fait comprendre les mécanismes de l'acquisition, du travail, de la construction. Que lorsqu'on l'a à le vivre naturellement, ben, quand ça vous est donné, c'est comme ça n'a pas de valeur. Mais quand vous êtes obligé d'aller le rechercher, ça prend beaucoup de valeur, ça prend une importance, ça prend une autorité pour ne plus l'échapper. Parce que si on l'a échappé une fois, si on a échappé un travail, on a échappé un système de valeurs, on a échappé une relation avec une personne qui est importante, ben, reconquérir, c'est plus sur les mêmes bases de confiance. On n'a pas autant confiance parce qu'on sait qu'on a déjà perdu. On sait que ça n'est pas acquis. Donc, il faut établir un lien, une alliance mentale qui garantit d'un équilibre où cette fameuse confiance doit être réellement vu sur l'avenir et non pas évalué sur ce qui s'est passé dans le passé, parce que souvent, quand on a perdu, si on n'a pas intégré, on est rancunier, on a de la haine, on comprend pas la logique de cette justice cosmique, si on peut dire, et on essaie de se venger. Parce qu'il faut pas oublier que la maison 8, quand elle parle de perte, si cette perte n'est pas intégrée, c'est à peu près toutes les pensées qui viennent de l'enfer, la haine, la recherche de destruction. Prenez les gens qui disent qu'ils s'aiment, quand ça va plus comme ça va, ça c'était supposé aller, ou ça ne va plus comme eux veulent que ça va, ben c'est la haine, c'est la destruction. On cherche à détruire la personne alors qu'on voulait la mettre sur un piédestal un mois avant. Donc, on comprend assez facilement que c'est une maison difficile en astrologie. D'ailleurs, les deux maisons les plus difficiles sont la maison 8 et la maison 12. La maison 8 étant plus directe, parce que c'est vraiment le drame plate, là, l'accident, la fatalité, la destinée, le sentiment d'impuissance évident que l'individu est obligé de se battre. Il se bat contre sa pensée, surtout il se bat contre le fait qu'il y a des impossibilités qui sont simplement là parce que c'est une destinée. Tu sais, je pense à des gens, exemple, qui vont, ils ont Vénus en 8, puis ils vont aimer des gens qu'ils ne peuvent pas aimer, dans le sens que ils vont l'aimer d'une façon sublimée, mais ils peuvent pas vivre la forme, ils peuvent pas vivre la sexualité, ils peuvent pas vivre le rapport direct avec la personne. C'est extrêmement souffrant. Bon, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui, lorsqu'ils sont affectés par la maison 8, parlent justement des ondes de sublimation au niveau de la forme. C'est une des fonctions, d'ailleurs, de la maison 8, d'amener les individus à sublimer la souffrance, à sublimer le drame, pour en arriver à un point de neutralité qui est strictement dans le mental, qui n'est pas apparent extérieurement. Il faut comprendre, évidemment, qu'une maison 8 chargée en planète, ça ne veut pas dire qu'on a une vie merdique toute notre vie. Ça veut dire qu'on a une vie intense, qu'on a une vie dramatique, qu'on a une vie que si elle est portée à faire un travail d'intégration et d'évolution personnelle qui devient plus riche que la moyenne, parce qu'il ne faut pas oublier que les gens sont hypersensibles. Fait que l'évolution de l'individu, à ce moment-là, l'emmène à avoir des perceptions sur son environnement qui est beaucoup plus subtile que la moyenne des gens qui l'ont facile au niveau de la forme. Fait qu'il faut comprendre que c'est une maison qui est difficile, mais qui a, comme j'ai dit, une intelligence dans sa souffrance et qui permet finalement à l'individu de passer tous les caps émotifs les plus négatifs qu'on peut imaginer et d'accéder aux caps les plus sublimes du positif dans un autre temps. Mais le négatif passe avant, j'aime autant vous le dire. L'évolution de l'être avec des gens qui ont moins de planètes ou qui n'ont pas de planètes en maison 8, n'est pas nécessairement diminué. Mais quand vous avez un gros drame dans votre vie, c'est cette maison-là qu'il faut consulter. C'est celle-là qu'il faut regarder avec le maître de la maison 8, avec le signe carrément. Il faut comprendre que cette maison 8-là, même si elle n'est pas chargée de planètes, elle a quand même des fonctions. Mais ce qu'il y a à retenir de positif, c'est que on vit pas le drame pour rien, ça a une fonction. Ça a une fonction pour vous, et éventuellement, quand vous intégrez la fonction que ça a pour vous, vous avez une fonction par rapport aux autres, à partir de ce que vous avez intégré dans cette maison-là. Fait que c'est sûr que les grosses planètes comme Uranus, Neptune, Pluton, dans cette maison-là ont beaucoup plus d'impact que des planètes comme la Lune ou Vénus ou Mars. Ça a un certain impact, ces planètes-là, mais ça a moins de portée dans le sens collectif que les grosses planètes-là. De la Maison 9, on se raccorde à tout ce qui touche la philosophie, l'évolution morale de l'individu, son esprit de synthèse, ni plus ni moins. C'est un peu comme toute la culture qu'un individu est capable de développer, d'absorber quand il est jeune avec son environnement. C'est un peu comme une capacité d'étudier pour arriver à se faire un point de vue, un sens critique, une masse critique sur ce que son milieu est capable de lui apporter, de ce que son milieu est capable de lui offrir comme conditionnement, on va dire, harmonieux. C'est sûr qu'une maison neuve, qui est en parallèle un peu avec le signe du Sagittaire, suppose que l'individu est obligé d'étudier beaucoup d'impressions dans sa vie. Et ça, quand je dis étudier, je parle de se mettre dans le bain, de voyager, ni plus ni moins. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on la raccorde beaucoup au domaine du voyage, à l'aptitude chez l'individu à se déraciner pour aller goûter une culture étrangère et absorber de ce côté étranger pour se faire une synthèse ou, si vous aimez mieux, des raccordements avec sa propre culture. On ne perd jamais notre culture première, mais on peut améliorer notre culture première, notre éducation première, celle qu'on a reçue de notre famille, celle qu'on a reçue de notre milieu de travail, notre milieu éducationnel, de notre pays, ni plus ni moins. On peut la marier, la mêler à d'autres, ce qu'on appelle la fameuse internationalisation qu'on connaît aujourd'hui, dans les années 2000, qui a été provoquée par l'effet de Pluton en Sagittaire. Et comme le Sagittaire, la Maison 9, il y a une analogie certaine, ben, on peut comprendre assez facilement que l'individu qui est marié ou mêlé à des cultures étrangères, a confronté ce qu'il considère comme étant des vérités. Il a confronté ce qu'il considère comme étant ses origines, sa ligne de conduite absolue. Il faut qu'il remette en question ses absolus. Et c'est à travers la Maison 9 qu'on connaît ça. On pourrait dire que l'examen de l'identité se vit à travers la Maison 9. On peut avoir une identité qui convient bien dans notre quotidien, où on a suffisamment d'autorité, suffisamment de contenance pour traiter avec ce qui est connu, ce qui est commun, ce qu'on reconnaît comme étant similaire à soi, ayant la même couleur de peau, ayant la même ligne de conduite morale. Mais quand on est confronté à des différences, on pourrait commencer par la première de toutes les différences, le rapport homme-femme, qui est une différence physique et psychologique importante. On pourrait parler des races, où il y a, exemple, les Asiatiques avec la race blanche. On pourrait en nommer une infinité comme ça. Mais dès qu'on parle de pays, dès qu'on parle de changement de culture, on est inévitablement imposé, de par les événements, à être comme en remise en question de ce qui est valable pour nous. Qu'est-ce qu'on fait comme choix? Qu'est-ce qui devient notre absolu? Vous vivez au Québec, vous vivez aux États-Unis, vous allez en Thaïlande, vous allez au Japon. Est-ce que vous percevez votre culture comme étant supérieure à 100% sur ce que vous visitez? Si vous faites ça, vous êtes arrogant. Si vous faites ça, c'est parce que vous n'avez pas d'ouverture d'esprit. Si vous avez une certaine ouverture d'esprit, vous allez voir qu'il y a des gens qui pensent différemment, qui peuvent regarder différemment, qui peuvent faire les choses mieux, c'est une relativité, remarquez, mieux, mais qui peuvent faire les choses suffisamment agréablement, du moins, pour pouvoir donner une autre connotation à votre évolution psychologique, une autre connotation à votre réalité. Et si vous êtes capable de voyager dans un autre univers, si vous êtes capable d'étudier au-delà de votre analyse, donc aller dans des grands résumés, dans des grandes synthèses, fait que c'est une aptitude chez l'individu à aller chercher l'essence des choses et de les marier ensemble, de faire le pont, de faire le lien, de faire une sorte de décodage des points communs qu'il y a entre les différentes formes. Quand on parle, exemple, de publicité dans la société, de mise en marché, on fait référence à la Maison Neuve. Quand on parle d'internationalisation, on parle de cette capacité de formuler la vente d'une automobile qui a tel nom dans tel pays et qui doit avoir un autre nom dans un autre pays. Il y a une raison à ça. Il y a des gens qui réagissent mieux à une certaine sonorité au Japon qu'avec une sonorité différente, exemple aux États-Unis et en Europe. Donc, les mises en marché dans un pays ne sont pas nécessairement les mêmes mises en marché dans tous les pays. Et cette compréhension des variations de culture, des variations de religion, parce que la Maison Neuve fait correspondre avec l'être aussi à ses grandes croyances, donc inévitablement à ses grandes religions qui influencent les masses pendant des siècles et qui conditionnent la perception de l'au-delà, qui est l'ultime confrontation dans le mental humain entre sa vie matérielle et sa vie très abstraite du au-delà de la mort, du après la mort. Et ça, c'est au travers de la Maison Neuve qu'on voit les grandes valeurs spirituelles que les gens sont capables de débattre. Souvent, quand vous avez une Maison Neuve chargée, vous êtes un vecteur d'une façon de penser. Vous êtes un être qui avait soit initié un mouvement dans des valeurs morales, dans de la mise en marché quelconque. Ça peut être une mode que vous partez. Puis l'objectif de la Maison Neuve, qui se raccorde au Sagittaire d'ailleurs, le Sagittaire, par essence, c'est un signe qui cherche juste à créer de l'impact. Son punch dans la vie, c'est de choquer. Quand il peut choquer, il est heureux. Ben, que la Maison Neuve, dans l'étude, ben, c'est un peu le principe. C'est de choquer à travers deux cultures pour pouvoir réellement faire brasser de l'inertie. Fait que l'évolution d'un individu, c'est une évolution à travers des études. Des fois, il veut pas étudier, mais la vie impose des événements qui le forcent à étudier, à s'étudier, à étudier l'autre aussi. Puis souvent, on veut pas s'étudier, puis c'est l'autre qu'on est obligé d'étudier. Puis en étudiant l'autre, ben on s'étudie parce qu'il est un peu comme un miroir de nous-mêmes déphasé ou inversé, si vous aimez mieux, parce que on peut être doux puis on rencontre un violent ou on est violent puis on rencontre un doux. La Maison Neuve, elle a cet impact. Quand une personne a des planètes fortes dans cette maison-là, l'impression de pouvoir créer un courant de pensée, de créer un impact. Donc, la Maison Neuve, c'est une maison qui est très importante dans notre structure économique actuelle parce que c'est à travers cette maison-là que se véhiculent toutes les croyances. C'est à travers cette maison-là qu'on va voir tous les remplacements de religion. Tout ce que les gens ne croiront plus dans le sens spirituel ou mystique du terme, ça va être transféré dans la Maison Neuve. Tout ce qui est purgé du karma puis qui est intégré s'intègre au travers de la Maison Neuve. Quand on va parler de la Maison 12, on va expliquer que, bon, on vit des expériences karmiques qui sont limitatives, mais c'est au travers de la Maison Neuve qu'on vit l'intégration de ces zones-là. Et puis, c'est sûr que à travers cette intégration-là, bien, l'individu a l'occasion de se transformer et de passer à autre chose qui éventuellement touche au domaine de l'esprit. Mais au début, c'est le domaine de l'âme, c'est le domaine de l'expérience de l'âme et c'est ce qu'on pourrait appeler le voyage de l'âme pour l'être humain. C'est dans votre Maison Neuve que vous allez savoir comment vous voyagez. Il y a des gens, par exemple, qui ont Jupiter en Maison Neuve, ils vont faire le tour du monde physiquement. Des gens qui vont avoir Saturne en Maison Neuve qui vont voyager à travers le mental des gens. Donc, plutôt que d'aller voir des Japonais au Japon, ils vont rencontrer des Japonais dans le village puis ils vont voyager à travers la culture du Japonais dans leur village. Ça donne autant de résultats. C'est encore plus concentré. We'll be right back. Quand on parle de maison 10, on parle inévitablement d'une fonction sociale qui est totalement indépendante des entreprises dans lesquelles on travaille, qui est totalement indépendante des carrières professionnelles nommées. C'est style l'exemple, une personne peut être nommée ingénieur, mais on peut être ingénieur dans un temps X et inventeur dans un autre temps. Et on cumule la même fonction sociale de structure et de construction. C'est donc dire ici que ce qui est important à comprendre, c'est que si vous avez une fonction, ce n'est pas nécessairement très concret, c'est généralement très abstrait, que ce que vous allez plutôt avoir tendance à rechercher dans la dénomination de la maison 10, c'est le caractère formel, c'est-à-dire le titre social qu'on va vous donner, chauffeur de taxi, ingénieur civil, avocat, ces choses-là. Mais c'est pas ça que la maison 10 représente. Votre fonction sociale, exemple, peut être conférencier, puis vous allez faire du taxi pendant 5 ans en faisant des conférences dans votre taxi. Et vous pouvez être ingénieur, puis être fondamentalement un inventeur, et avoir pendant un certain temps de votre vie à étudier comment la structure absorbe certains champs d'activité nouveaux ou qui peuvent modifier des façons de travailler, des façons d'opérer dans la société. Et à un certain moment donné, ben, vous sortez de votre rôle, de votre titre, si on aime mieux, d'ingénieur et devenez automatiquement inventeur à ce moment-là. Mais vous étiez déjà inventeur à l'âge de 12 ans, 13 ans, 14 ans. C'est juste que votre titre social, qui n'est pas votre fonction sociale, je veux faire la différence parce que c'est très, très, très important, c'est que votre titre social vous a véhiculé pendant X temps pour vous permettre d'avoir un salaire, de régler des problèmes de survie, vous permettre d'étudier également toutes les facettes de votre fonction et éventuellement, ben, vous atterrissez dans votre fonction. Vous pouvez même être très très vieux quand vous allez arriver dans votre fonction et puis vous allez dire, bon ben ça, cette fonction-là, je la reconnais, je la reconnais comme étant quelque chose de viscéral, de fondamental en moi et à ce moment-là, je l'exécute. Donc, quand on est capable de démêler titre social de fonction sociale, on comprend le sens profond de la maison 10. Mais si vous accordez trop d'importance à l'aspect statut et apparat, ben là, vous allez probablement avoir bien des façons d'interpréter la maison 10 parce que vous allez avoir autant de façons de l'interpréter que de changement de titre ou de statut que vous allez avoir à vivre au cours de votre vie. Quand on comprend que l'esprit d'un individu l'emmène à vivre des expériences et à avoir un rôle interactif avec son environnement, on comprend que la forme est simplement un prétexte pour qu'il soit en contact avec son milieu pour faire sa fonction. Et évidemment, faire sa fonction, c'est pas quelque chose qu'on veut faire, c'est quelque chose qu'on fait. Ce qu'on veut faire, c'est le statut. Ce qu'on veut faire, c'est le titre. Ce qu'on veut faire, ce que l'ego veut faire, c'est l'expression de ses talents reconnus par un environnement quelconque. Mais l'expression du talent en soi, elle a engendré une certaine impression. Quelquefois, c'est la fonction. Puis dans certaines autres situations, ce n'est pas la fonction. Exemple, vous pouvez avoir un athlète qui performe pendant 10 ans de sa vie et à un moment donné, il n'est plus performant. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus de fonction sociale? Non. Mais il y a eu un talent, puis ce talent-là lui a permis de mettre en relief une personnalité, mettre en relief son identité, mettre en relief une expérience de vie, d'explorer à travers ce talent une réalité et éventuellement de trouver sa fonction dans des registres qui peuvent être extrêmement différents que le sport. Mais le sport lui aura permis justement d'explorer une dimension de son être pour mieux définir ce que sa fonction sociale qui va avoir un effet jusqu'à 75 ans ou 100 ans, peu importe. Donc, ce que cette fonction sociale-là a à lui faire vivre. On comprend assez facilement que l'individu qui se limite à l'image qu'il a au public peut y imaginer des grandes crises d'identité parce que il ne regarde que par la forme. Il ne regarde pas ce que son identité lui permet. L'individu qui regarde la maison 10 comme étant sa fonction sociale peut recycler son image publique à volonté parce qu'il sait que c'est le contenu, c'est ce qu'il possède à l'intérieur de lui-même qui a engendré une réalité d'échange, de communication, de valeur d'échange avec son milieu. Les gens qui pensent que leur valeur est axée strictement sur le talent, c'est parce qu'ils font partie d'une machine de publicité, ils font partie d'une machine ou d'une structure qui ne valide que l'impression. La personne qui a à se rechercher un emploi, qui a à se recréer une autre condition de vie professionnelle pour survivre matériellement, doit regarder son contenu, pas strictement son contenant. Et quand on dit une personne s'est complètement restructurée, s'est complètement recomposée sur un ordre social avec son environnement, on ne regarde pas simplement le talent dont il dispose et ses études. On regarde surtout qu'est-ce qu'il émane, son rayonnement. Vous pouvez être médecin et être un très mauvais médecin parce que vous n'avez pas la flamme, vous n'avez pas le feu. Vous avez simplement les études, vous avez simplement le diplôme. Vous allez me dire, c'est beaucoup le diplôme parce que c'est dur des études en médecine. Je dis pas que c'est facile de copier sur le voisin, mais je dirais que il y a des gens que, en n'ayant pas le feu pour faire ce qu'ils font, sans dire qu'ils le font mal, ils auront de la difficulté à soutenir les ondes d'épreuves qui se présenteront dans la dynamique de leur carrière. Si on est en fonction, parce que c'est notre vibration, parce que c'est nous-mêmes, c'est parce que c'est nous autres qui engagent les mouvements, ben c'est évident que s'il y a des épreuves, on va être capable de passer à travers parce que on va toujours être allumé, on va toujours avoir son essence qui va nous supporter. Il n'y a pas d'âge pour avoir de l'essence. On peut avoir 50 ans puis avoir de l'essence. Ça se réallume une personne à 60 ans quand elle a eu le feu toute sa vie. Mais ça s'éteint facilement quelqu'un qui a strictement du talent et puis son talent est plus achetable. Ça n'a plus de valeur marchande sur les gens. C'est évalué sur une capacité de donner une impression. Donc, c'est évident que si une personne se pose la question au cours de sa vie, qu'est-ce que je vaux pour les autres, dans le sens matériel du terme, dans le sens de salaire, dans le sens d'être payé pour faire quelque chose, c'est la maison 10 qu'il faut regarder. Et il faut regarder la fonction et non pas le statut. Il faut regarder ce qui anime l'être, ce qu'il aime dans la vie, son feu, ce qui lui permet d'engendrer des miracles indirectement. Ce qui lui permet de dire, ben, je mourrai pas cette année parce que ça, j'ai le goût de vivre ça, j'ai le goût de faire ça, j'ai le goût d'échanger ça avec mon environnement. Là où les gens se découragent généralement quand on parle de leur fonction, c'est le temps que ça prend avant d'apparaître comme étant un statut pour les autres. Parce que les gens souvent vont nous payer quand ça nous apparaît comme une régularité. Donc quand ça apparaît comme un titre, une image socialement reconnue. C'est dur de briser l'inertie dans le mental des gens et de se présenter avec un portrait neuf et d'être consommé. J'imagine, je sais pas moi, n'importe qui décide d'être massothérapeute, ben les gens vont dire « qu'est-ce que tu as comme expérience? » Puis tu dis « ben non, mais je peux pas en avoir, je commence. » Puis les gens ne te donnent pas facilement le crédit parce que il faut que tu fasses des gratuités, il faut que tu engendres chez l'autre un besoin, une reconnaissance qui n'est pas acquise par le simple fait de te donner un titre. Il faut que tu émanes, il faut que tu rayonnes ton feu et que tu engages l'individu dans ce qu'on pourrait appeler un risque momentané pour pouvoir goûter à ce que tu as à présenter. C'est pour ça souvent que je dis à des gens, si vous voulez découvrir votre fonction sociale, essayez de vendre quelque chose que vous aimez, puis regardez qu'est-ce qui se passe quand vous vendez. Regardez comment les gens réagissent à ce que vous vendez. Si ce que vous vendez, service ou produit, vous réussissez pas à allumer votre milieu, ben c'est parce que vous êtes pas capable de rentrer dans votre fonction. Parce qu'en général, quand on est capable d'allumer un milieu, ben c'est parce que il y a notre fonction qui est en arrière, qui supporte ça. Tout le monde est canal de quelque chose. Et quand on est canal de quelque chose, ben on inspire aux gens une certaine confiance instantanée. Parce qu'en fait, la carrière ou l'idée de la carrière ou du statut, c'est d'être justement reconnu de facto par notre environnement. Quand les gens disent « ben moi je suis médecin », ben c'est comme il y a une reconnaissance de facto à cause de l'école de médecin, à cause du fait que bon dans la société, un médecin, quand il est capable de démontrer qu'il est médecin, on lui fait confiance, on lui présente notre bras puis on lui dit « ben tu peux le couper ». C'est banal comme joke, mais c'est très réel parce que quand on pense qu'un étranger peut nous couper un bras simplement parce qu'on dit « il est médecin », c'est quelque chose. Fait que l'évolution donc d'un être dans son processus de mise en fonction sociale, c'est un processus de crédibilité. Comment il peut trouver sa crédibilité avec son milieu, avec son environnement, puis de faire saisir et sentir aux gens que ce qu'il fait, il va le faire toute sa vie ou il va le faire très longtemps dans sa vie parce qu'il est très, très, très animé par ce qu'il fait. D'ailleurs, toute personne devrait comprendre que pour situer une carrière dans sa vie, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont écouter ça pour savoir comment se trouver une fonction sociale, c'est de toujours faire les choses comme si on était pour en mourir. Puis si on le fait à fond, puis qu'on supporte pas les obstacles qui vont se présenter, parce qu'ils se présentent inévitablement, tu sais, manque d'argent, manque de crédit des autres, tu sais, c'est si on fait quelque chose puis que c'est l'approbation des autres qui fait qu'on le fait, ben c'est parce que vous êtes pas fait pour le faire, parce que techniquement faut traverser un grand mur de rejet pour savoir c'est quoi notre fonction, un grand mur d'obstruction, un grand mur d'obstacles événementiels pour savoir réellement ce qui est notre fonction. Ce qui est notre fonction est facile à rayonner, mais l'absence d'absorption de notre milieu, c'est difficile à traiter. Et puis l'individu qui a un mouvement naturel d'expression et de projection, il doit traverser l'inertie du rejet de son environnement pour savoir qu'il est en fonction. Parce qu'il faut qu'il bouleverse une perception négative que les autres ont initialement envers sa personne quand il commence. Et c'est simplement quand il a démontré qu'il était capable d'absorber cette charge négative-là que les gens vont lui reconnaître, bon gré mal gré, qu'il est là et qu'il va rester là, qu'eux autres soient d'accord ou pas d'accord. C'est une situation qui est bizarre, mais tu sais, faut pas oublier non plus que la maison 10 est raccordée au Capricorne, puis le Capricorne, sa réussite, c'est dans la quarantaine. Ça suppose donc au moins 15-20 ans de travail acharné. Fait qu'un individu est en fonction à sa naissance, mais il découvre le statut de sa fonction ou la réalité concrète de sa fonction à travers les réalisations, à travers ce qu'il a conquis dans sa vie, à travers toutes les charges négatives qu'il a affrontées dans sa vie. Et c'est là qu'on sait que l'individu a sa fonction. C'est, j'ai mon expression, genre, si t'es pas mort, c'est parce qu'il y a une raison. Ben, t'es pas mort justement parce que t'as une fonction. Puis que tu vas mourir quand ta fonction va être pas fini nécessairement, mais quand ton rôle matériel, personnel, va être terminé. Ce qui veut dire que même si notre lit de mort, on peut encore faire notre fonction, dépendant de comment les autres nous perçoivent, comment est-ce qu'on engendre une évolution quelconque sur notre environnement. La maison 11, quand on en parle, on peut pas éviter le mot projet. Mais c'est pas nécessairement, comme les astrologues le disent, la maison des amis, la maison des projets. C'est pas ça spécifiquement. Ça passe par ça, mais c'est surtout une maison qui touche l'évolution. Les projets que l'individu a ou engendre dans sa vie, c'est essentiellement pour avoir une mesure de son évolution. Mais ce qui est intéressant dans la maison 11, elle est opposée à la maison 5 qui touche la créativité, c'est comment il met en marché, comment il fait bouger son environnement humain pour l'accompagner dans une idée qui demande à se concrétiser, qui demande à ni plus ni moins se réaliser. Parce que on a beau dire, bon, ben l'évolution, c'est personnel, c'est individuel, c'est vrai, mais c'est surtout interactif. Si on aurait eu à vivre seul, on serait venu au monde dans un milieu avec un petit cube, on aurait resté pendant 40-50 ans dans le petit cube à penser et à réfléchir. Mais ça s'est pas passé comme ça. On est venu au monde avec une obligation d'interagir avec notre milieu. Et ce milieu-là, pour l'activer, pour le stimuler à participer à nos idées, à nos concepts, ben il fallait avoir des projets. Il fallait être capable de dire, ben moi je veux vivre ça, je veux faire ça. Et l'autre dit, ah, moi aussi j'ai le goût de vivre ça. Ça veut pas dire que les gens évoluaient à la même vitesse, ça ne veut pas dire que les gens avaient les mêmes objectifs, mais ça voulait dire qu'ils étaient capables de participer à une structure qui les faisait évoluer individuellement, mais à travers un processus qui était relativement collectif. Quand je dis relativement collectif, ça peut être effectivement une grande collectivité. Tu sais, c'est des milliers, des millions de personnes qui, exemple, avec Internet, ont le projet d'apprendre l'informatique, puis d'apprendre comment communiquer, de chatter sur Internet, et puis de vivre l'expérience du projet. Puis ça peut être des choses plus réservées, comme monter l'Everest, de se préparer pendant 10 ans pour justement aller vivre des expériences qui sont peu communes, traverser l'Atlantique en voilier, traverser n'importe quoi, qui est une épreuve quelconque. Et ça devient un projet, mais peu importe la nature du projet, c'est qu'il faut que ça soit parlé, parce que l'idée en soi, il faut que ça soit architecturé, il faut que ça soit équilibré dans sa projection, il faut que ça soit projeté dans un futur qui exige une préparation, donc qui exige un présent très particulier à être capable de concevoir tous les obstacles, tous les écueils qui peuvent se présenter en cours de route. Et on peut vraiment comprendre que le concept de la Maison 11, c'est un concept évolutif à travers des projets. On évolue à travers ce qu'on se projette, comment on crée notre avenir, comment on est capable de stimuler chez les gens qui nous entourent la notion d'évolution personnelle avec une évolution où il y a une participation. C'est comme si la Maison 11, c'est le mariage de l'individualité avec la collectivité. C'est le mariage de ce que l'individu veut faire pour lui, mais qu'il est obligé de partager avec son environnement. Comme si la Maison 5, qui est une zone de créativité qui, elle, est réellement très, très, très individualisée, quand elle touche la Maison 11, je dirais pas qu'elle demande à être commercialisée, mais elle demande à être publicisée. Et cet aspect public de la créativité dans la Maison 11, ben, il fait voir qu'il est très important de se créer des liens de confiance avec les gens qui ont un certain parallèle avec le couple, dans le sens que ça demande, quand on parle d'amis, on parle inévitablement d'engagement. Ça demande un engagement minimum où il n'y a pas de partage de l'intimité, mais où il y a un partage d'une vision. En d'autres termes, la différence marquée entre l'intimité du couple et l'intimité de l'amitié, c'est le fait que dans l'amitié, le rapport est beaucoup plus distant. On partage plus autant sa dynamique émotionnelle, on partage plus les idées. Et il y a inévitablement un karma qui est plus objectif, qui est plus à l'extérieur de nous-mêmes, qui est pas aussi intimiste qu'on peut le voir dans le couple, où il y a évidemment tout le jeu de la sexualité, le jeu des passions, le jeu de l'attachement. C'est sûr que dans les relations amicales, vous allez voir des fois des conditions affectives très intenses se vivre, dépendant si vous avez une maison 11 qui est en signe d'eau. Je parle de poisson, scorpion, cancer. C'est sûr que dans cette dynamique-là, les gens vont vivre des grandes émotions dans leurs amitiés. Mais la fonction fondamentale de l'amitié est basé sur le détachement. On est détaché de ce que l'autre vit pour lui-même. On est simplement attaché au point commun qui nous relie pour pouvoir faire quelque chose. C'est comme si vous diriez, bon ben, je veux faire un rallye. Et puis dans un rallye, tout le monde vit ça à sa façon, à sa sauce, avec ses propres véhicules, avec sa propre préparation. Et on peut faire partie de la même équipe et avoir des outils différents. Et évoluer différemment également, mais quand même toucher des points de raccord ensemble pour s'entraider, parce que on fait partie du même événement. C'est comme si c'est l'événement qui nous rallie, mais l'individualité, elle, c'est comment on évolue à travers cet événement-là. Et c'est là que automatiquement la situation permet à l'individu de saisir parfaitement ce qu'il veut pour lui-même avec les autres. Mais c'est vraiment ce qu'il veut pour lui-même. Et là, avec les autres, c'est simplement les conditions, le prétexte qu'il faut pour se réaliser. J'ai vu beaucoup de gens, des gens dans ma vie qui étaient très spiritualisés puis qui misaient beaucoup sur une collectivité pour réaliser leurs rêves. Si vous avez une maison 11 avec des effets de Neptune ou des effets qui collectivisent votre conscience, vous allez remarquer, si vous êtes bien honnête avec vous, que dans le fond, vous voulez des amis pour vous réaliser. Vous essayez de le vendre avec beaucoup de force que c'est pour toute la gang. Puis c'est quand on met toute la gang, au bout de 10 ans, qu'on voit que c'est pas pour toute la gang. Parce que chaque individu, dans le jeu de la collectivité, a été obligatoirement obligé de s'individualiser parce que les besoins ne peuvent pas converger pour leur intimité de la même façon. Et inévitablement, il y a des différences qui se créent. Puis ça peut plus être une partouze, puis une partouze d'idées, puis une partouze de consommation, puis d'économie. Ça peut pas être ça indéfiniment. Ça peut être ça dans un temps, mais ça peut pas être ça indéfiniment. Donc, les gens qui sont le moindrement honnêtes dans leur présentation, présenteront jamais, comment je dirais ça, une idée ou un concept qui est pour tout le monde, juste pour tout le monde. Ils vont dire, c'est pour tout le monde, parce que moi, j'ai le goût de vivre ça. Puis si vous venez pas, c'est pas grave, je vais le faire moi-même. Je vais le faire tout seul, ou je vais le faire avec une ou deux personnes. Ça va être réaliste. Parce que on se rend compte qu'à un moment donné, il y a des gens qui font des mouvements collectifs pour avoir des ressources collectives, mais pas partager l'expérience de la même façon, en bout de ligne. Tout le monde met 100 piastres, mais il y en a un qui a plus que 100 piastres quand il y a des gains à recevoir, ou il y a plus d'avantages, il y a plus de crédibilité à la banque parce que c'est lui qui a été faire le dépôt, puis le banquier, il fait affaire avec lui. Puis, comme il a rapporté, je sais pas, 450 000 dans le compte, lui, il fait pas affaire avec les 45 ou 450 personnes qui ont mis 1 000 ou 100 piastres. Il fait affaire avec une personne. Puis là, il y a un déphasage qui commence à se créer là. Il y a une crédibilité qui se particularise, qui ne s'étend pas. Fait que la maison 11, c'est la maison du Verseau. C'est une maison qui oblige les gens à se définir dans un projet, à se définir dans une idée, à définir les zones d'autorité qui sont partageables puis les zones d'autorité qui ne sont pas partageables. Fait que l'évolution donc d'un concept, d'une évolution de groupe dans le concept de la maison 11, c'est comme si ça s'écrase dans l'individualité. S'écrase dans le sens que il y a plus comme dans la maison 9 des croyances. Maison 9, ça spiritualise, ça peut globaliser, ça peut donner l'impression que tout le monde va goûter de la même façon à quelque chose. Tout le monde va sera plus pauvre un jour. T'sais. C'est toutes des illusions que bien des gens ont à une certaine étape de leur vie, puis qu'à un moment donné, rendu dans la maison 11, quand le projet se définit dans la forme, dans le concret, ça éclate. Parce que il y a rien qui se partage pareil. Les gens n'ont pas la même destinée. Les gens n'ont pas le même contrôle ou la même contenance dans leur vie de ce qu'ils sont, de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils projettent. Tout le monde ne meurt pas en même temps. Aussi loin que l'être humain peut projeter une dynamique collective, dans la maison 11, il y aura tous les tests inévitables qui vont amener à une compréhension de l'évolution personnelle, à une perception de l'évolution individuelle. On parle de la maison 12, on a toujours un petit peu la référence aux prisons, aux hôpitaux. Mais il faut comprendre fondamentalement qu'en dehors de la forme que peut créer l'impression des hôpitaux et des prisons, c'est aussi une maison d'initiation, c'est une maison d'assaise, c'est une maison d'évolution très rapide de l'être par, évidemment, la souffrance, ça va de soi. Une souffrance qui peut être physique dans certains cas, une autre souffrance qui peut être carrément psychique. J'ai pu remarquer dans mon expérience que la principale souffrance que la maison 12 a tendance à imposer à l'être, et à cause évidemment des limitations karmiques que génère cette fameuse maison, c'est des problèmes d'identité. C'est des problèmes dans l'être, de saisir sa réalité cosmique ou sa réalité psychique, si vous aimez mieux, par rapport à son environnement, par rapport à sa raison de vivre. En d'autres termes, la grande question que soulève la maison 12, c'est pourquoi qu'on est incarné, pourquoi qu'on vit, pourquoi ou quel rôle qu'on a par rapport à d'autres, par rapport à notre environnement, pourquoi les gens auraient besoin de nous autres sur la planète. C'est sûr que cette maison 12-là, dépendant de comment elle est chargée, c'est le genre de questionnement que la personne va avoir à se poser aussi régulièrement que la maison 12 est difficile à intégrer. Et quand je parle d'intégration, je parle de compréhension des limitations qui sont imposées de par votre naissance. Quand tu viens au monde en Arabie, tu as une certaine culture qui t'impose une ligne de conduite, surtout si tu es une femme, qui, c'est assez évident, peut faire vivre une limitation. En tout cas, dans son mode d'expression sexuelle, dans son mode d'éducation et dans différentes formes de modes de droit politique ou public quelconque. Vous allez me dire, ça c'est évident. Est-ce que c'est aussi évident dans des sociétés comme l'Europe ou le Nord de l'Amérique? Oui, c'est évident parce que des limitations karmiques, c'est des limitations qui peuvent toucher votre santé, qui peuvent toucher votre habilité à comprendre. Il y a des gens, des fois, qui vont prendre des études, ils vont s'éduquer dans des milieux, et puis tout le monde comprenne, puis pas eux autres. Puis il n'y a pas de raison qu'ils ne comprennent pas. Là. On prend tous les moyens possibles et impossibles pour leur faire comprendre, puis ça passe pas, ça rentre pas. Mais quand ça rentre pas à un point que ça devient stupide, là, ça c'est une limitation karmique. C'est pas une incompétence de l'être. Il y a carrément une sorte de crainte qui n'appartient pas à sa mémoire immédiate. Fait que ça vient d'une autre vie. Quand vous avez des craintes ou des peurs qui sont inexplicables, bon, vous pouvez creuser tant que vous voulez pour faire le cri primal, faire toutes sortes de thérapies inimaginables pour aller fouiller votre vie passée ou vos vies antérieures, mais en réalité, le dépassement de cette problématique-là, ça se fera pas parce que vous avez la révélation de l'expérience vécue dans le passé. Fait que quand vous avez du karma, vous avez des situations inexplicables de comportement, ben c'est sûr que vous pouvez vous le faire expliquer, ça va peut-être dans la révélation vous dire pourquoi vous avez une attitude aussi rebelle, aussi soumise, aussi serviable, aussi victime, ou même agresseur dans certains cas. Mais c'est pas ça qui est important, c'est qu'est-ce que vous, aujourd'hui, vous avez à intégrer. Bon, ben la maison 12, ça explique l'inexplicable. Ça permet de voir pourquoi un individu est immobilisé, isolé dans sa vie pour une raison quelconque. Donc, vous avez une maison 12 qui vous révèle vos limitations, mais l'objectif, c'est de traverser cette limitation-là. Et là, la souffrance, parce que c'est un mécanisme qui est lié à une crainte, à une peur que vous n'avez pas intégrée dans une autre vie. Je vous donne un exemple. Dans cette vie-ci, vous avez des peurs que vous n'avez pas balancées, que vous n'avez pas ajusté, des rêves que vous n'avez pas été au bout, vous allez avoir à les traîner dans votre maison 12 dans une autre vie. Tout ce que vous n'allez pas au bout dans votre vie, que vous voulez aller jusqu'au bout, mais que vous n'allez pas jusqu'au bout, vous traînez ça dans votre maison 12 dans une autre vie. Fait que ce que vous avez dans votre maison 12 dans cette vie-ci, c'est tout ce qui n'a pas été fini dans une autre vie, ou dans plusieurs autres vies qui ont été traînées. Parce que ça peut être cumulatif. Fait qu'on ne se sauve pas du karma. On l'accumule. Fait qu'il y a des situations, des expériences de vie qui nous apparaissent collantes. On dit, moi, je mérite pas ça. J'ai pas le goût de vivre ça. Je comprends pas que moi, je vis ça puis les autres le vivent pas. C'est parce que dans votre maison 12, il y a quelque chose à intégrer. Surtout ceux qui ont des planètes spécifiques à la maison 12, c'est plus marquant. Les gens qui ont des transits, parce qu'ils ont des maisons vides, il y a pas de planète dans la maison 12, mais il y a un transit qui passe. Ça va donner avec la planète la coloration de l'expérience. Mais c'est généralement une expérience d'intégration qui se fait quand même assez rapidement parce que c'est le temps du transit. Aussi loin qu'on peut aller, loin dans le sens de long, le Pluton, qui est le transit probablement le plus long à passer dans une maison, ben ça quand même, ça durera jamais ben plus que 10 ans dans votre maison 12. Ça fait que ça passe quand même 10 ans, c'est passé, quand c'est fini. Puis ça passe pas aigu pendant 10 ans, ça passe aigu de temps en temps pendant 10 ans. Puis c'est une intégration qui se fait quand même relativement lentement dans le cas de cette planète-là, mais dans le cas de Vénus, Mars, qui passe régulièrement à tous les ans, ben c'est des expériences karmiques que vous pouvez identifier. Quand, par exemple, il y a un passage de Vénus, c'est votre pouvoir de séduction. À chaque fois qu'il va passer dans votre maison 12 dans l'année, c'est une zone où vous allez remettre en question votre capacité de vous mettre en échange pour séduire votre environnement, autant pour le travail que pour le secteur affectif. Ça devient très intéressant de voir que cette maison-là peut faire voir des crises d'identité qui sont passagères ou qui sont très collantes à long terme et qui demande justement à être dépassé en affrontant la crainte en question. Parce que, dans un sens, je pourrais vous dire, le karma que vous avez, c'est le karma de la peur. La peur que vous avez, elle est toute enregistrée dans la maison d'os, et c'est ça qui vous donne la mesure de ce que vous êtes capable de dépasser. Et des fois, dans certains cas, de ce que vous n'êtes pas capable de dépasser, parce qu'il vous faut une participation, il vous faut un partage avec d'autres. Il y a des gens qui ont des rôles, je pense à des personnes comme Mère Teresa, qui ont des rôles sociaux importants, qui sont karmiques, et qui ils peuvent pas faire autrement que d'avoir ce rôle-là, parce que c'est une fonction sociale qu'ils doivent vivre à fond et se donner corps et âme là-dedans pour la fonction qu'ils ont. On appelle ça la mission. Quand vous avez une mission, vous avez l'impression de vivre une mission, c'est automatiquement connecté à votre maison douce. Tout ce que vous faites pour une collectivité qui n'a pas de rapport apparent pour votre individualité, c'est toujours lié à votre fameuse maison douce. Qui a un parallèle avec le signe du poisson, qui est le signe qui se fusionne avec la souffrance, qui absorbe la souffrance de son environnement, qui vidange ni plus ni moins, vidanger étant un principe d'épuration en passant. Et dès qu'on parle de purge dans la vie ou qu'on parle d'épuration, on réfère automatiquement au signe du poisson et à la maison d'eau.